Le bilan s'est alourdi après le séisme qui a frappé l'Italie. Au moins 120 personnes ont perdu la vie et plus de 360 personnes sont blessées. Mais des centaines d'autres sont toujours portées disparues. La ville d'Amatrice serait détruite aux trois quarts. Le chômage, lui, est reparti à la baisse 0,5%, soit 19 100 personnes en moins au mois de juillet, selon les chiffres du ministère du Travail. Enfin, une planète potentiellement habitable, découverte près de la Terre. Cette petite dernière est quasiment sous notre nez à l'échelle de l'univers, puisqu'elle se trouve seulement à 4,2 années-lumière du Soleil. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Nous allons jouer ce matin. Vous aurez la possibilité également de retrouver le planning de Live en août. Dans un instant, la date dans l'histoire. Pour le moment, c'est Selena Gomez sur Energy. D'énergie, c'est un jour un événement.

6h30, les fêtes du jour sont celles de Louis, de Clovis, de Loïc, de Ludovic et de Ludwig. Toute toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un label calédonien pour défiscaliser l'électroménager. C'est un des volets de la réforme de l'impôt sur le revenu qui doit entrer en vigueur dès 2017 et donc s'appliquer aux déclarations de 2016. Les particuliers devraient pouvoir l'an prochain déduire de leurs revenus imposables les appareils électroménagers économes en électricité. Dans un premier temps, seront donc concernés les réfrigérateurs, congélateurs, cave à vin, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, téléviseur et climatiseur. À terme, d'autres matériels comme les aspirateurs pourraient rejoindre la liste. Problème, hein, les appareils mis en vente en Calédonie proviennent de différentes régions du monde qui ont chacune leur propre système de label pour décrire et quantifier leur consommation. Alors, pour harmoniser tout ça, un label spécifiquement calédonien va être institué. Une nouvelle réglementation contre les fraudes aux allocations familiales. Le gouvernement veut créer un cadre pour lutter contre les fraudes aux prestations et allocations familiales. Les textes permettront à la CAFAD de suspendre les indemnités des personnes en infraction, d'instaurer une contravention de 400 000 francs, ainsi que de faciliter le recouvrement des prestations sociales versées à tort. La terre a tremblé en Italie. Dans la nuit de mardi à mercredi, un séisme de magnitude 6,2 a secoué le centre de la péninsule italienne et a été même ressenti à Rome. Au moins 120 personnes ont perdu la vie et plus de 330 sont blessées, mais des centaines d'autres sont toujours portées disparues. La ville d'Amatrice serait détruite aux trois quarts. Les voies d'accès à ce village de quelques 2600 habitants, mais qui est aussi un lieu touristique prisé, sont bloquées. Les pompiers ont du mal à arriver dans cette zone montagneuse. Des renforts ainsi que l'armée sont donc en train d'être déployés dans les zones touchées. L'université américaine d'Afghanistan à Kaboul a été prise d'assaut par des assaillants armés mercredi en fin de journée. Des explosions et des tirs ont été entendus sur place. Certains étudiants envoient des messages de détresse depuis l'intérieur du bâtiment où ils sont enfermés. Les forces spéciales américaines interviennent avec les autorités afghanes. L'opération est toujours en cours. Enfin, en métropole, le chômage est reparti à la baisse, 0,5%, soit 19 100 personnes en moins au mois de juillet. Fin juillet, donc, le nombre de personnes sans activité inscrites à Pôle emploi s'établissait à 3 551 000 personnes. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Where no one ever goes. Put it in your pantry. like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. Deadlines, it's time. This place is too crowded, too many cool kids. It seems like one of those nights we ditch the whole scene and end up dreaming instead of sleeping. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely in the best way. Le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Sans plus tarder, voici l'horoscope sur Energy. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, bon jeudi 25 août, votre horoscope avec les béliers. Une personne de votre passé pourrait ressurgir. Taureau, vous ferez des progrès dans tous les domaines. Les Gémeaux, des événements récents vous donneront un coup de fouet pour avancer. Cancer, vous avez un gros potentiel, alors sachez l'exploiter. Lion, ne vous laissez pas aller, c'est la rentrée, elle est du nerf. Vierge, c'est le moment de régler un problème que vous avez laissé de côté avant les vacances. Balance, il est temps, vous aussi, de vous confronter à la réalité de la rentrée. Scorpion, vous n'êtes pas loin d'aboutir à la concrétisation d'un projet. Sagittaire, vous risquez de rencontrer quelques problèmes. Il faudra faire des choix. Capricorne, sachez bien vous tenir. Votre partenaire ne saura plus où se mettre. Attention également, ami Verseau, à ce que vous dites, car vous pourriez choquer. Et les poissons, vous serez plutôt d'humeur dynamique. Excellente journée à tous.

notre pays tombera dans la poussière. Quand nos peintures sont en train de disparaître. Quand nos peintures sont en train de disparaître. Tom, tom, tom, tom, tom, la Wingango. Avec un Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Il est 7h et nous avons les fêtes de Louis et de Clovis, de Loïc, et on n'oublie pas non plus Ludovic et Ludwig. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Un label calédonien pour défiscaliser l'électroménager. Puis le bilan du séisme en Italie s'est alourdi. Enfin, une attaque est en cours à l'université américaine de Kaboul. Nous sommes le jeudi 25 août, absolument. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Et on va débuter avec cette nouvelle et un label calédonien pour défiscaliser l'électroménager. C'est dans des volets de la réforme de l'impôt sur le revenu qui doit entrer en vigueur dès 2017 et donc s'appliquer aux déclarations de 2016. Les particuliers devraient pouvoir l'an prochain déduire de leurs revenus imposables les appareils électroménagers économes en électricité. Dans un premier temps, seront concernés les réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, les lave-linges, sèche-linges, lave-vaisselle, téléviseurs et climatiseurs. À terme, d'autres matériels comme les aspirateurs pourraient rejoindre la liste. Problème, les appareils mis en vente en Calédonie proviennent de différentes régions du monde qui ont chacune leur système de label pour décrire et quantifier leur consommation. Et bien pour harmoniser tout ça, un label spécifiquement calédonien va être institué. Une nouvelle réglementation contre les fraudes aux allocations familiales. Le gouvernement a donc arrêté un projet de loi de pays lors de sa séance hebdomadaire de mardi portant sur des mesures sociales de modernisation. Il s'agit notamment de créer un nouveau cadre pour lutter contre les fraudes aux différentes prestations sociales. On écoute Philippe Dunoyer, porte-parole du gouvernement. Un avant-projet d'ailleurs a été arrêté par le gouvernement et sera examiné au Conseil d'État pour donner des outils supplémentaires aux agents qui contrôlent l'effectivité et le bon versement des indemnités ou des allocations que la CAFAD verse quotidiennement. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit de permettre de s'assurer que les indemnités sont légitimes, c'est-à-dire de s'opposer à toute fraude, toute déclaration frauduleuse ou opposition à contrôle. Comment ? Eh bien, en suspendant, si les pièces justificatives nécessaires ne sont pas fournies, en suspendant le versement des indemnités jusqu'à ce que les pièces soient fournies et en ajoutant d'ailleurs une amende de 400 000 francs si un cas de fraude est ouvertement détecté. Un autre projet de loi sur... Ah pardon, t'avais pas fini Delphine, je crois que t'avais à reprendre juste derrière, vas-y. Une petite conclusion à cette proposition du gouvernement doit encore faire l'objet d'un vote au Congrès, bien sûr, pour être mise en œuvre. Précision importante. Un autre projet de loi sur les congés pour responsabilité coutumière. Il s'agit de permettre aux salariés qui ont des responsabilités coutumières de les exercer sans que cela nuise à l'entreprise. Le gouvernement a donc proposé d'autoriser ces personnes qui seront préalablement répertoriées de prendre 6 jours de congés non rémunérés par an pour exercer leurs fonctions coutumières. 2 mois de prison pour menace de mort contre le patron de la police. À 36 ans, Grégor L. est un ingénieur en géologie fichier S, arrivé sur le Caillou il y a 4 ans. Converti à l'islam, il était jugé hier pour des faits qui se sont déroulés les 27 et 28 juillet dernier. En clair, la justice lui reproche des menaces proférées envers le patron de la police, des insultes à un gardien de la paix et d'avoir écrit sur une pancarte « Je suis fiché S » qu'il aurait affiché ensuite devant l'hôtel de police. Il est cette fois-ci apparu au tribunal sans barbe, contrairement à son procès de l'an dernier où alors il était jugé pour avoir cette fois-ci proféré des menaces à des avocats et des magistrats dans un courrier. Bien hier, les juges ont décidé de le condamner à 2 mois de prison qui s'ajouteront à une autre peine, à l'isolement au camp Est. À Dumbéa, les zones inondables pourraient être réévaluées. Une étude menée par la province sud est donc en cours sur les 4 rivières du secteur, la Couvelée, le Carigou, la Wanéoué et la Dumbéa. Les 4 cours d'eau sont passés au crible de l'estuaire jusqu'au parc provincial. Il s'agit de réévaluer, de cartographier le risque d'inondation aux abords de ces cours d'eau. 2 études du même type ont déjà été réalisées auparavant. Cette fois-ci, l'objectif est de vérifier que les données anciennes corroborent la réalité du terrain, notamment en cas de forte pluie ou de cyclone. Si les résultats de cette étude permettront de sécuriser la zone, cela risque aussi de redéfinir le plan d'urbanisme, directeur de la ville, et de modifier les conditions de construction du secteur. Le bilan s'est alourdi après le séisme qui a frappé l'Italie. La terre a tremblé en Italie dans la nuit de mardi à mercredi. Un sisme de magnitude 6,2 qui a secoué le centre de la péninsule italienne et a été ressenti à Rome. Au moins 120 personnes ont perdu la vie et plus de 360 sont blessées. Mais des centaines d'autres sont toujours portées disparues. Le village d'Amatrice serait détruit aux 3/4. Les voies d'accès à ce village de quelques 2600 habitants, qui est aussi un lieu touristique prisé, sont bloquées. Les pompiers ont du mal à arriver dans cette zone montagneuse. Des renforts ainsi que l'armée sont en train d'être déployés. Le président François Hollande a exprimé dans un communiqué la solidarité et l'affection de tout le peuple français. La France, dit-il, se tient prête à apporter aux autorités italiennes tout le soutien qui pourrait s'avérer nécessaire dans les heures et les jours qui viennent. En Afghanistan, l'université américaine de Kaboul a été attaquée par des hommes armés. L'université américaine a été prise d'assaut par des assaillants armés mercredi en fin de journée. Des explosions et des tirs ont été entendus sur place. Certains étudiants envoyant des messages de détresse depuis l'intérieur du bâtiment où ils étaient enfermés. Les forces spéciales américaines interviennent avec les autorités afghanes et l'opération est toujours en cours. Alors, aucun groupe n'a revendiqué jusqu'à présent cette attaque qui intervient 2 semaines après l'enlèvement de 2 enseignants de l'université, un Australien et un Américain, et qui fait suite également à plusieurs attaques de grande ampleur dans la capitale afghane. Nouveau signe encourageant du côté du chômage. Et le chômage est reparti à la baisse, 0,5%, soit 19 100 personnes en moins au mois de juillet. Fin juillet, donc, le nombre de personnes sans activité inscrites à Pôle emploi s'établissait à 3 551 000 personnes. Sur 3 mois, l'indicateur qui atteint son plus bas niveau depuis février 2015 est quasi stable, hein, moins 0,1%, mais il est en forte baisse depuis le début de l'année, moins 73 900 personnes, soit moins 2,1%, et sur un an, ce qui nous fait moins 44 100 personnes. Et enfin, une planète potentiellement habitable est découverte près de la Terre. Et JB, elle est tapie près de chez nous. Une planète en orbite autour de l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure, est potentiellement habitable. Elle a été découverte par des scientifiques qui publient leurs travaux dans la revue Nature et qui confirment une révélation du journal allemand Der Spiegel de la semaine dernière. Et oui, on en avait parlé en fait. Oui. Eh bien, elle est baptisée Proxima B. Cette planète vraisemblablement rocheuse, dotée d'une masse proche de celle de la Terre, est située dans une zone dite habitable ou tempérée, permettant en théorie, hein, la présence d'eau liquide à la surface, une condition, comme tu le sais, nécessaire à la vie. Ben, il faut savoir que depuis 1995, il y en a quelques dizaines comme ça qui ont été découvertes, qui est potentiellement habitable, mais elle se trouve souvent très loin. Or, la petite dernière est quasiment sous notre nez à l'échelle de l'univers. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière du Soleil. Oh, une broutille. Ben, c'est bien ça, voilà. Pour les prochains week-ends, allez, l'info insolite. Ah bah, tu vas partir longtemps pour les prochains week-ends, dis-moi. On va parler d'un homme qui a dormi pendant plus de 10 ans avec un véritable trésor sous son lit. C'est, il y a 10 ans, ce pêcheur philippin a découvert une perle exceptionnelle à l'intérieur d'une palourde géante. La perle faisait quand même 34 kilos et 62 cm de diamètre. Sauf que l'homme n'avait aucune idée de la valeur de sa découverte. C'était un véritable trésor sous-marin. Et par superstition, là-bas, ben, figure-toi qu'il a placé le bijou sous son lit. Et voilà, pendant 10 ans, il a dormi dessus. Et il y a quelques temps de ça, sa maison a pris feu. Il a vite pris vite quelques affaires. Il a emporté la fameuse perle. Il l'a présentée à l'office du tourisme. Ils ont halluciné parce que ça serait l'une des plus grosses, voire la plus grosse perle de palourde. Elle vaut quand même 100 millions d'euros, apparemment. Ça me fait penser à un conte, tu sais, La princesse au petit pois. Il faisait un test pour savoir si t'étais une vraie princesse. On glissait un petit pois sous, je crois, 7 matelas. Si elle sentait le petit pois, c'était une vraie princesse. Moi, je peux te dire qu'avec une perle de 62 kilos, 34 kilos et de 62 cm de diamètre, c'est pas une vraie princesse, ce pêcheur. Hein. Le mec, il a quand même pensé à la prendre en quittant la maison. Ouais, c'était peut-être son objet fétiche, un petit peu porte-bonheur. Mais en tout cas, oui, ça s'est avéré que c'était effectivement porte-bonheur. Parfait. Une jolie petite histoire. C'est joli, merci. Moi, je vais aller à la pêche aux palourdes, moi. Ouais, c'est ça, tu vas surtout trouver le prince charmant qui a la perle, oui. Ouais. Elle est comme ça, la fille. Elle est comme ça. Bonne matinée, bon réveil à tous. Il est pratiquement 7h10. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?

d'énergie. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. À suivre sur Énergie, le rendez-vous gag. Il y aura aussi Van der Kroot qui nous dira quoi ? Bah, qui nous dira, je l'ai noté quelque part. Tiens, qui a inventé, qui a créé les congés payés, justement ? Il est 7h30 donc. Bonne fête à Louis, c'est l'heure des news. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. On va retrouver Delphine pour les news. Je vous rappelle, elle est plus organisée que moi. Tous ses papiers sont bien là devant elle. J'espère. Un label calédonien pour défiscaliser l'électroménager. C'est en dévoilé de la réforme de l'impôt sur le revenu qui doit entrer en vigueur dès 2017. Les particuliers devraient pouvoir l'an prochain déduire de leur revenu imposable les appareils électroménagers économes en électricité. Alors, dans un premier temps, seront concernés les réfrigérateurs, congélateurs, cave à vin, les lave-linges, sèche-linges, lave-vaisselle, téléviseurs et climatiseurs. Puis à terme, d'autres matériels comme les aspirateurs pourraient rejoindre la liste. Problème, les appareils mis en vente en Calédonie proviennent de différentes régions du monde et ont donc chacune leur système de label pour décrire et quantifier leur consommation. Alors, pour harmoniser tout ça, un label spécifiquement calédonien va être institué. Donc, de prison pour menace de mort contre le patron de la police à 36 ans. Grégor L. est un ingénieur en géologie fiché S, arrivé sur le Caillou il y a 4 ans, converti à l'islam. Il était jugé hier pour des faits qui se sont déroulés les 27 et 28 juillet dernier. En clair, la justice lui reproche des menaces proférées envers le patron de la police, des insultes à un gardien de la paix et d'avoir écrit sur une pancarte « Je suis fiché S » qu'il aurait affiché ensuite devant l'hôtel de police. Eh bien, cette fois-ci, il est apparu sans barbe, contrairement à son procès de l'an dernier où là, il avait été jugé pour avoir menacé des avocats et des magistrats dans un courrier. Hier, les juges ont décidé de le condamner à 2 ans de prison qui s'ajouteront une autre peine à l'isolement au camp Est. La terre a tremblé en Italie dans la nuit de mardi à mercredi. Un séisme de magnitude 6,2 qui a secoué le centre de la péninsule italienne et a même été ressenti à Rome. Au moins 120 personnes ont perdu la vie, plus de 360 sont blessées, mais des centaines d'autres sont toujours portés disparus. Les pompiers ont du mal à arriver dans cette zone montagneuse et des renforts ainsi que l'armée sont en train d'être déployés. Pendant ce temps-là, l'université américaine d'Afghanistan à Kaboul a été prise d'assaut par des assaillants armés mercredi en fin de journée. Des explosions et des tirs ont été entendus sur place. Certains étudiants ont envoyé des messages de détresse depuis l'intérieur du bâtiment où ils étaient enfermés. Les forces spéciales américaines interviennent avec les autorités afghanes. L'opération est toujours en cours et pour l'instant, il y a au moins un mort. Enfin, le chômage est reparti à la baisse, 0,5%, soit 19 100 personnes de moins au mois de juillet. Fin juillet, le nombre donc de personnes sans activité inscrites à Pôle emploi s'établissait à 3 551 000 personnes. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre cuisine savoureuse et variée sur les toits de Lens-Vatin. Et ce matin, on va retrouver l'homme politique français qui a fait sa rentrée en annonçant sa candidature à la primaire pour l'élection présidentielle. Voici Monsieur Zi. My name is Zi. Sarkozy. Je suis le nouveau James Bond. Ma mission? Oui, je vais vous le dire. Sortir le monde du spectre de la crise et résoudre tous les problèmes des Français d'ici 2012. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, quelques petits problèmes en France. Moi, je voudrais qu'on en parle calmement, avec des chiffres à l'appui, secteur par secteur. Je vais vous donner ce qui sera un peu la feuille de route de mon Fillon 3. On va commencer par l'éducation. C'est important quand on est petit. À chaque rentrée scolaire, on a peu de candidats en option latin et grec, mais beaucoup en option raquette et dépouille. Mais le vrai problème, c'est l'illettrisme. Vous vous rendez compte? Il y a 50% des écoliers qui croient que le petit poussait parce qu'il était constipé. Il ne faut pas s'étonner qu'après, ça devienne des sportifs et des supporters. Hein. Tiens, par exemple, le sport. Il y a 80% des supporters qui pensent que le scorbut est une maladie de footballeur. Alors que c'est le scorbut, on le sait bien depuis. Autre sujet, la médecine, la santé, et là je voudrais saluer le travail remarquable, à l'époque où elle était dans son ministère, de Madame Bachelot, dans sa gestion de la grippe A. D'ailleurs, elle a été très prévoyante et très professionnelle avant de quitter son ministère. En vue de l'arrivée de la gastro, elle avait déjà commandé 98 millions de coupes chiasses. Il ne faut pas se moquer de Roselyne Bachelot. Avant de partir de son ministère, elle m'a fait un rapport très intéressant sous forme de statistiques. Vous allez voir, on apprend des tas de choses. Par exemple, 95% des proctologues ne ramènent pas de travail le soir à la maison. De même que 80% des gynécologues ne mangent pas de moules. Alors que paradoxalement, 48% des éleveurs de moules ne pratiquent pas le cunnilingus. S'il n'y avait pas eu Madame Bachelot, on l'aurait jamais su. Maintenant, c'est Xavier Bertrand. Eh bien, on va tout mettre en place pour réduire les injustices pour les malades. Il y a 89% des bègues qui trouvent trop cher leur forfait de portable. C'est inadmissible. On va aussi tout faire pour lutter contre l'alcoolisme, qui est un fléau. Et même si Jean-Louis Borloo a quitté le gouvernement, il a laissé des consignes. Vous vous rendez compte? 10% des alcooliques voient des éléphants roses, 20% voient des gros rats bleus, et 70% voient leurs femmes. Mais moi, je veux des résultats. J'ai pas été élu pour pas avoir de résultats. Je suis allé sur le terrain, j'ai visité des maisons de retraite, dans certains hospices, et c'est touchant. Il y a des petits vieux qui, le soir en se couchant, mettent leur dentier sous leur oreiller des fois que la petite souris passerait. Et je me suis dit, j'ai envie de les aider, ces gens-là. Il faut les occuper, organiser des jeux, course en sac pour les récents opérés de la hanche. Je sais pas, moi, faire un grand damier dans la cour et faire jouer les incontinents, les jaunes contre les marrons. Je voudrais vous parler d'écologie. C'est important, l'écologie. Pourquoi c'est important? Ben, je vais vous le dire. Il y a des gens qui trouvent que les éoliennes, ça gâche le paysage. Ben moi, j'ai trouvé la solution. On va les enterrer, les éoliennes. Mais tous ces problèmes, mes chers amis, je compte bien les résoudre d'ici 2012. Parce que je dois bien vous le dire, j'ai décidé de me présenter en 2012. Alors, il va falloir faire des économies. Rien de plus simple. Suppression immédiate de l'eau, du gaz et de l'électricité chez tous les encartés dans un parti écologiste. Ils se démerderont avec des silex, des bouts de bois et des bougies. Et ça fera des économies. Et puis alors, suppression du ministère de la Culture. Il y en a marre des empapaoutés mondains qui exposent des homards en métal et des Pokémon dans les jardins de Versailles avec nos sous. Et des metteurs en scène d'avant-garde qui font jouer du Marivaux en treillis au Festival d'Avignon. Donc ça, plus de subventions. Et puis surtout, une mesure de bon sens qui va me rendre très populaire. Réouverture des maisons closes. Et

Et puis on parlait aussi d'Evangélie. Cette actrice a 36 ans, mais plus célèbre par ses petites bourdes que par sa carrière de chanteuse même. Evangélie est à l'origine d'évangélisme. Son rapport avec la religion, ses petites phrases pleines de maladresse sont devenues la marque de fabrique de la jeune femme. Allez, on en savoure quelques-unes. La femelle du mouton, c'est la brebis, hein ? Parce qu'elle ressemble à des moutons, les brebis ? L'eau est tellement transparente qu'on dirait que la barque, elle flotte. J'ai une amie, elle est décédée, et pas de son plein gré. Evangélie nous a dit encore, en regardant un tue-mouche, ça doit être affreux de mourir collé. Ou alors je lui ai envoyé un fax pour lui dire que je lui avais fait un mail. C'est dommage qu'elle n'ait pas la neutralité de juger sans préjuger. À ton avis, si on secoue très fort un œuf cru, tu crois que le jaune et le blanc se mélangent ? Ça serait pratique pour faire des omelettes. On l'adore. Une dernière, mon rôle va être de réfléchir à voix basse dans ma tête. Bon, j'arrête parce que j'ai mal à la tête. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 5. L'apprentissage est, voilà le messager, voilà l'apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà le messager, oh. Jusqu'au 18 septembre, c'est l'anniversaire magique Atlas JTM. L'ensemble machine à soda SodaStream et Sakara filtrante Brita ont prix incroyable de 12 900 francs seulement. JTM Atlas, du lundi au dimanche matin, on continue à Dicos. C'est le moment. Le moment de vous réaliser. Dosez l'extrême. Renault 4 GR tout équipé à partir de 2 898 500 francs. Renault, la vie avec passion. Aérodrome de Magenta, Nouméa, 250505. Pour cette cinquième soirée Hello Pop Light, nous aurons le plaisir de recevoir un artiste d'exception, John Dimas, tout droit débarqué de Grèce. Il sera accompagné ce soir-là par Oliver A. Retrouvez-nous jeudi 25 août à partir de 22h. Date unique et gratuite. Plus d'infos sur le Facebook du Pop. Quoi, fin valable ? Ben, jusqu'au 30 septembre, chez Toyota, c'est moins 400 000 sur les Land Cruiser 5 cabines. Ah, ok, fin valable ! Eh, mais attends, c'est pas fini. Toyota réouvre son showroom fin beau à Ducos et son service après-vente fin parfait au 6e kilomètre au rond-point de la GBNC. Trop choc ! C'est net ! Toyota vous attend dans son nouveau showroom, 12 rue Lavoisier à Ducos. Info sur Facebook ou sur www.toyota.nc. Toyota, toujours là pour vous. 25 52 52. Le 05 34 34, c'est le numéro vert d'énergie et c'est gratuit. Avec Oh là là, pour le plaisir de séduire, mettez plus de sensualité dans votre vie. Oh là là, votre love shop sur Lansvata. Info route, besoin d'un renseignement, d'intervenir à l'antenne, de râler, de nous aimer. Composez le 05 34 34, le numéro gratuit d'énergie. Plus la peine de vous tracasser sur la durée de votre appel. Le 05 34 34, c'est gratuit. Grâce à qui ? Avec Oh là là, conseil et discrétion à votre portée sur www.ohlala.nc. Pour le plaisir de séduire. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. It's music only. La minute du professeur Vanderkroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socaport, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Vanderkroot, qui a créé les congés payés. Professeur ! Professeur ! Oui, stagiaire Bernardin ? Vous me devez 5 semaines de congés payés. C'est marqué là. Code du travail. Comment dire ? Je veux bien vous donner vos samedis dimanches, mon petit. Bah... Allez, je rajoute le 14 juillet. Grand seigneur ! Les congés payés sont une invention ? Française ! Comment vous savez ça ? Vous êtes tellement fainéant ! On gueule surtout plus fort que vous, les Américains ! Hein, Jean-Jacques Durand ? Ouais ! Directeur technique du journal L'Information en 1922, il est aussi et surtout un syndicaliste qui ne pousse pas la porte des bureaux de ses patrons pour leur pousser une chansonnette. Quoi ?

Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Énergie, il est 8h. Les fêtes du jour sont celles de Louis et de Clovis. Il y a aussi Loïc, Ludwig et Ludovic. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. En label calédonien pour défiscaliser l'électroménager, le dispositif devrait être prêt avant la fin de l'année. Il permettra aux acheteurs d'appareils électroménagers faiblement énergivores de déduire leurs factures de leurs revenus imposables. Une nouvelle réglementation contre les fraudes aux allocations familiales. Les textes permettront notamment à la CAFAT de suspendre les indemnités des personnes en infraction. Un autre projet de loi, il concerne les congés pour responsabilité coutumière. Il donnera droit à 3 jours de congés non rémunérés pour exercer leurs fonctions coutumières. 2 mois de prison pour menace de mort contre le patron de la police. C'est la peine qu'a écopé Grégor, 36 ans, un ingénieur en géologie fiché S, arrivé sur le Caillou il y a 4 ans et converti à l'islam. À Dumbéa, les zones inondables pourraient être réévaluées. Une étude menée par la province sud est en cours sur les 4 rivières du secteur, la Couvelée, le Carigou, Wanewe et la Dumbéa. Le bilan s'est alourdi après le séisme en Italie. Au moins 120 personnes ont perdu la vie, plus de 360 sont blessées, mais des centaines d'autres sont toujours portées disparues. Le village d'Amatrice serait détruit aux 3/4. Le chômage est reparti à la baisse en juillet selon le ministère du Travail. Et puis enfin, une planète potentiellement habitable découverte près de la Terre. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. C'est au tour de Lopez de démentir les rumeurs de rachat de l'OM. Comme tu le suis, depuis lundi après-midi, Gérard Lopez est au centre de toutes les discussions à Marseille où son nom revient autant que celui de Marcelo Bielsa, un exploit annoncé comme le nouveau propriétaire de l'OM. L'homme d'affaires luxembourgeois aurait un accord avec l'entraîneur argentin pour qu'il revienne en Provence, ce qui s'avère être à l'heure qu'une supposition. L'homme d'affaires luxembourgeois appelle à ce que cessent, je cite, les élucubrations. Ça bouge du côté du mercato. Le milieu de terrain du PSG, Benjamin Stambouli, va s'engager pour 4 ans avec Schalke 4. Montant de la transaction, 10 millions d'euros. Le club allemand a également trouvé un accord avec Tottenham pour le prêt de Nabil Bentaleb. L'entraîneur Liverpool, Jürgen Klopp, envisagerait lui de laisser partir Mamadou Sakho en prêt. Stoke City se serait positionné pour le défenseur français. Enfin, Metz annonce l'arrivée de Milan Bisvac pour 2 saisons. Départ à la retraite annoncé pour Robbie Keane. Le joueur le plus capé et meilleur buteur de la sélection irlandaise, Robbie Keane, fera ses adieux aux Boys in Green lors d'un match amical. Ça sera le 31 août prochain. Et pour terminer, on va à Winston-Salem où Richard Gasquet est en quart de finale. Alors, il n'y a pas vraiment eu de match entre Richard Gasquet et Stéphane Robert en 8e de finale du tournoi. Le mieux classé des Français, donc le 15e, ça a déroulé face au 52e joueur mondial, expédié en 2-7, 6-1, 6-3 en à peine 1 heure de jeu. En quart de finale, Gasquet sera opposé à Bjorn Frontagelo ou John Millman. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Laissez-vous guider vers les vibrations positives. La meilleure potion énergétique, c'est de 8h à 9h dans Caféine. Avec FitZone, 3 jours d'essai gratuits. Un coach pour vous conseiller et des cours à essayer. Plus d'infos au 24 16 80. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, ce matin, nous avons rendez-vous avec le jeu de l'addiction. Mais petit problème, je me suis blessé à la tête. Et là, je suis parti dans un délire de calcul. Attention, ça va être compliqué. Tu me fais peur. Eh oui, ça va être du balai, ça va être de la haute mathématique, les gars. Alors, attention. Et c'est toi, tiens, qui va me chercher mes petits paquets de Cadbury. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais déjà, je fais le thé, je fais tout ouais, ici. Ouais, mais là, quoi. Tu vas être chargé de réaliser l'addiction comme il faut pour avoir la panier garni, mesdames, messieurs. Et puis, il y aura de l'actualité musicale. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Tu m'as donné des mains pour consoler mon cœur. Si j'avais pu savoir combien tu t'en foutais, j'aurais tué l'espoir de pouvoir t'emmener.